Thank you. s'entend bien. De temps en temps, nos langues se nouent. L'une autour de l'autre comme deux iguanes qui se battent pour la même roche. Comme deux alligators qui se battent pour la même viande. On le voit presque plus.